Le délégué coréen a prononcé le 15 un discours à la session de la 3e commission de la 71e Assemblée générale de l'ONU. En voici le résumé. Je condamne catégoriquement le projet de résolution sur la circonstance des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée, AC371L23, présenté par l'Union européenne et le Japon. Toutes les calomnies du projet de résolution contre la Corée sont d'un bout à l'autre des mensonges des déserteurs du Nord, résidus humains réfugiés au Sud après avoir commis des crimes, que la gouvernante sud-coréenne a poussé, séduite par les paroles d'une chamane selon lesquelles notre République s'écroulera en 2 ans. De ce point de vue, traiter absurdement le problème du nucléaire et de missiles qui n'a aucun rapport avec les droits de l'homme dans l'Office des Nations Unies pour les droits de l'homme installé à Séoul l'année dernière, le premier du genre jamais vu dans le monde, et aux dernières réunions sur les droits de l'homme de l'ONU, c'est le produit de la politique de la chamane inexpérimentée. Donc, on peut considérer que les institutions des droits de l'homme de l'ONU aussi sont outragées par la politique de la chamane inexpérimentée. Ce que le monde doit accorder un intérêt primordial et arrangé, c'est la réalité de violations grossières des droits de l'homme aux États-Unis, à l'Occident et surtout en Corée du Sud. L'Union européenne et le Japon, auteurs du projet de résolution, n'ont pas le droit de discuter du problème des droits de l'homme d'autrui. Bien que nous voudrions de vrais dialogues et coopérations dans le secteur des droits de l'homme sur l'arène internationale, nous nous opposerons jusqu'à la fin au duel et à la pression visant l'étranglement de notre régime en prenant toutes les mesures nécessaires, à condition que les actes hostiles contre notre République se voient croissantes et dépassent leurs limites sous prétexte du problème des droits de l'homme. C'est clair que, quoique la résolution soit adoptée de force, aucun consensus n'est réalisable. Nous ne connaissons ni acceptons, comme par le passé, les résolutions contre notre pays adoptées de force au Conseil de sécurité de l'ONU et à la 3e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Notre position est invariable.